Aujourd'hui les hommes vendent de l'amour pour avoir du sexe, et les femmes donnent du sexe pour avoir de l'amour. Mais si tout fonctionne de travers, comment voulez-vous qu'on marche droit? Agir comme ça, c'est mener à sa perte, comme ces pères se jetant vers le passage étroit. Si tu veux la victoire, fais comme le cheval de Troie. Pense pas avec tes bras, mais utilise ta tête. La défaite n'est jamais bonne comme les mauvaises nouvelles. Sois pas esclave d'une vie où la peine te gouverne. Relève la tête, reste pas planté comme une autruche. Ce n'est qu'une fois les idées claires qu'on trouve la solution. N'assombris pas tes pensées en pensant au passé, et pense plutôt à effacer ce qui t'attachait. Détache-toi de ce qui te raccroche aux mauvais souvenirs. Coupe le fil avant qu'il ne se transforme en bobine. Pose tes yeux sur l'avenir et regarde pas derrière, même si demain se construit sur les erreurs d'hier. Si t'as le cœur comme l'hiver et le sang comme l'été, c'est que t'es une victime que l'espoir a endetté. Il paraît que l'argent ne fait pas le bonheur, car la véritable richesse vient du cœur. Famille, respect, fierté, valeur. Si t'as compris ça, c'est tout en ton honneur.